On mène une vie de bohème. Une vie de bohème. Je mène une vie de bohème, mais ma vie je l'aime à l'écart. Je sème prose et poèmes, pose problème à l'état. Mes envies me traînent, en marge et m'étranglent. En long, en large, je réponds. Ma passion, la passion, je la prends à mes dépens. 25 ans déjà et trop déjanté aux yeux des gens. Jugeant mon quotidien indécent, ma vie banale, je déjoue. Hors du commun, sans savoir pourquoi ni comment. On vit comme à la bohème, moi je vis le coma. Dans ce monde, souvent j'échoue. J'ai trop chômé, il paraît que je suis dans un chemin rempli d'embûches. Écoute mon chromichine et le rap, ma seule embauche. Que le flow en bouche, loin d'une carrière cadre ou de PDG. Pour d'autres, ça fait déjà, moi je me trop piégé, insurgé, comme une perpète que je dois purger. Je perpétue mon art, loin des vertus, on me dit perturbé. Pas de roi à la banque, mais heureux quand on pose l'ancre. Un avenir tellement incertain qu'on vit chaque jour la peur au vent. C'est comme ça, j'ai choisi de mener une vie de poète. C'est pourquoi, jour et nuit, ma passion sonne comme un poète. C'est comme ça, c'est pourquoi on s'en renforme le temps d'être. C'est pourquoi, je suis prête à mourir. Plus l'âge de croire au Père Noël, mais je mène une vie de bohème. Bonhomme en marge, en fait, c'est un choix personnel. Autour de moi, y'a rien de stable, pas de revenus fixes. C'est la pression dès le réveil avec un petit déj au stick. Mais personne, j'incite, les rêves, ça nourrit pas son homme. De toute façon, on compte pas quand on aime, pour notre passion donne. Des fois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Je le conçois, je vois des potes qui vivent à l'aise, je me dis t'es con toi. Quand je vois ce qu'il y a sur mon compte, pourtant je suis ambitieux. Mais pour que ma vie soit comme un compte, faut payer l'addition. On est notre propre boss, ça nous obsède, absent absous de leur loi. On pense pas à nos obsèques, absent des statistiques imprévues dans leur programme. Il paraît que c'est le progrès, le temps avance et je vis trop de drames. Autodestruction, attitude suicidaire, et qui a la recette pour maîtriser ses pulsions. J'ai choisi de mener une vie. C'est court et on commet tous des écarts. Chacun marche pour sa gueule, la solidarité c'est rare. Du mal à se ranger malgré tous les conseils. Et tous les jours y'a l'entourage qui dit c'est quand le zeille. J'ai pas de réponse et le silence ça me fait flipper. Je me pose des questions, je sens que le but est si près. Je dois dissiper toute forme d'idées noires. Mais tous ces gens pour qui je compte, je veux pas les décevoir. On a souvent peu de rente, traîne très palpable. Peu de reconnaissance et pas de fans. Avec du luxe bas de gamme, parfois des bas de trip. Une mère inquiète et voit que jamais je résiste à l'appel. Car rien ne peut remplacer le trac en passant du disque. La scène. Ils disent que je me saigne parce que ma route est semée de vices et de peines. Je me lève quand les gens se couchent, mon quotidien, je nourris de rêves. Je suis prête à mourir pour elle. C'est comme ça, j'ai choisi de mener une vie. Un truc de spécialiste, réaliste, spécimen sous skin, qui est sous fin, dans le show. Et de pas princesse Agnès, de retour pour frapper direct dans ta tête. Ils mènent une vie de bohème, ça veut dire qu'ils font leur truc, avec ou sans pognon. C'est le truc. Tu connais Kona, tu connais. 2004, plus tard, père. Toujours une vie de bohème. Mandage Navou.